Les objectifs de ce projet sont la participation active des femmes dans la gestion de l'espace public et l'ouverture d'un procès pour adapter la ville aux besoins des femmes. Il est important aussi de travailler le point de vue de genre d'une manière transversale, en tenant compte de ce point de vue dans tous les aspects de la vie sociale. Les rôles qui nous ont été assignés tout au long de l'histoire font que nous, les femmes, vivions et sentions la ville d'une manière différente. C'est pour cela que la participation des femmes dans le procès de création de la ville peut aborder le point de vue de genre dans différents domaines, accessibilité, mobilité, etc. Les violences faites contre les femmes sont une réalité qui nous touche directement. Il y a dans nos villes et nos quartiers des points noirs où ces agressions ont lieu plus fréquemment, où les femmes, nous ne nous sentons pas à l'aise. Nous voulons, avec la participation des femmes, définir ce plan des points noirs et agir sur ces points tout en réclamant notre droit à vivre la ville pleinement parce que les villes sont aussi nos villes, parce que les rues sont aussi nôtres. Voilà un extrait de la déclaration d'objectifs faite par l'association féministe Bilgune Feminista pour la réalisation du plan des points noirs dans le bassin de la Bidassoa. Mais qu'est-ce qu'un point noir ? Qu'est-ce que le point de vue de genre dans l'urbanisme ? Pour en savoir plus, nous parlons avec Mylène Lanth, jeune membre de l'association Bilgune Feminista. Qu'est-ce que c'est un point noir ? C'est un endroit, un espace public dans notre ville où les femmes, on peut se sentir insécure ou bon, un endroit où quelque chose, une agression ou quelque chose, ça peut passer plus facilement que dans un autre. Parce que ce travail, il commence il y a quelques années quand vous travaillez le thème des agressions sexistes, n'est-ce pas ? Oui, c'est ça. Il y a 2 ans que, bon, on est en train de travailler dans la rue avec les thèmes des droits des femmes. Et bon, on se voyait tout le temps en train de faire des concentrations, des manifestations, parce que dans notre ville, il y avait beaucoup de cas d'agressions sexuelles. Et on était un peu fatigués, non, de se voir dans ce cas. Et alors, on a pensé de faire un projet au plus constructif pour commencer à changer tout ça, non ? Et c'est là qu'on a pensé de faire ce plan, justement parce que les cas d'agression, c'est pas seulement chez nous ou dans les cas familiales, parce que dans la rue aussi, ça existe, non ? Alors, on voulait travailler un peu l'espace public, pas seulement avec les cas d'agression, sinon aussi la femme, un peu la vision de genre dans la ville, dans l'urbanisme. Et pour nous, bon, le point noir aussi, ça peut être un endroit où une femme avec les enfants ou avec un chariot ne peut pas passer parce que les rues ne sont pas préparées pour ça, non ? Parce que vous faites une observation, vous faites une idée de l'urbanisme qui dit que la ville est plutôt préparée pour les hommes, pour la voiture, et que les femmes, et pas seulement les femmes d'ailleurs, reste en dehors de cette planification, n'est-ce pas ? Oui, c'est ça. Et pour que tous ces gens qui restent dehors de cette planification aient une vision, puissent décider comment doit être sa ville, vous organisez des ateliers de participation pour que ces femmes décident ou donnent leur opinion sur les points noirs de la ville. En quoi consiste ce procès ? On a commencé à travailler dans les quartiers. Alors, on va dans un quartier, on prend contact avec le président de l'association du quartier. Et c'est comme ça qu'on réunit beaucoup de femmes. Et on fait 3 ateliers. Dans le premier, on fait un peu la présentation du projet, de ce qu'on veut faire, de marquer les points noirs de ce quartier. Et après, dans la seconde, déjà, on fait plus le travail, non ? On reçoit les plaintes et tout ce qu'elles veulent dire. Et après, on fait un petit tour dans le quartier, normalement le soir, parce que c'est aussi le soir aussi c'est plus insécure pour les femmes normalement. Et on essaye de prendre des photos dans les points qu'elles décident ou elles croient que c'est un point noir. Et dans le troisième atelier, déjà, bon, on fait une mise en commun et on parle un peu de ce que, de le, du dossier que, qu'on a fait. Et bon, normalement, on termine. Electricidad, un relámpago en el viento trae mucha electricidad. Acábame de querer si me tienes voluntad. Acábame de querer si me tienes voluntad. Quel genre de problème vous avez rencontré qu'est-ce qui définit physiquement, disons, ces points noirs? Normalement, ce sont des endroits un peu éloignés d'un endroit où il y a un peu de vie, non? Normalement aussi, c'est un peu abandonné. Parce que peut-être, beaucoup de fois, quand on pense aux alternatives ou comment changer cet endroit, c'est peut-être seulement de mettre un peu de peinture ou du couleur ou un peu de lumière. Et c'est des choses très simples, non? Mais il n'y a pas une définition pour les points noirs. Donc, obscurité, manque de propreté, isolement. Oui, c'est ça. Et en ce moment, vous avez travaillé deux quartiers, vous envisagez de travailler encore le reste, et qu'est-ce que vous ferez avec ce dossier que vous êtes en train de réaliser avec les différents points noirs de la ville? Le but de ce projet, c'est bien sûr de changer ces points noirs, non? De changer celui qu'ils existent déjà, mais aussi que dans un futur, la ville qu'on va construire, on va la construire avec une vision de genre, non? Avec, pour pas faire encore de plus de points noirs. Alors, bon, c'est indispensable que, je ne sais pas maintenant, on est en train d'essayer, mais de la participation de la mairie ou des institutions, parce que sinon on ne peut changer rien. En ce moment, on est en train de faire les ateliers et on espère que dans un futur, on va commencer à changer. Et bon, nous-mêmes, on peut commencer à changer. Non, j'ai dit avant que les femmes, on peut se réunir aussi et faire un jour de travaux communautaires. Et on peut nettoyer, peindre ce endroit ou cette rue. Ou on peut commencer par nous-mêmes, non? Mais bon, l'intention, oui, c'est de impliquer les institutions pour cela même, non? Pour que dans le futur aussi, ça se répète pas, ça. Vous avez déjà de l'expérience dans ce cadre de travail communautaire pour nettoyer, peindre des points noirs. C'est l'an dernier, je crois, que vous avez fait une journée comme ça, n'est-ce pas? Oui, dans un quartier de notre ville, on a fait, bon, autour de fête de ce quartier, on a organisé, bon, il y avait un pas souterrain que c'était, bon, c'était tout avec des graffitis et tout ça, très, très noir et très moche. Et bon, les femmes du quartier, elles avaient marqué ce point comme un point noir. On a pensé d'organiser un concours de, justement, des graffitis parce que, bon, c'est quelque chose qu'on voyait que sinon ça allait les répéter aussi parce que les jeunes, ils aiment de faire des graffitis aussi. Mais bon, des graffitis avec des couleurs et avec ce thème, non? Le thème, c'était contre les agressions sexuelles. Et bon, ça a été un succès. Bon, on a eu un succès total. Les femmes du quartier, elles ont décidé de lequel c'était le graffiti gagnant. Et oui, ça a été une expérience très très bonne pour nous et pour les femmes aussi. Et je pense aussi que tout ce genre d'ateliers que vous faites, tout ce genre d'activités, ça vous apporte des relations avec d'autres femmes, avec d'autres associations. Et vu que le 25 novembre, jour international contre la violence sexiste, approche, est-ce que vous envisagez d'organiser quelque chose avec ces femmes-là et ces associations-là? Ben oui. Notre intention, c'est de faire une conférence de presse avec toutes ces femmes-là, toutes les femmes, les organisations des femmes de notre ville. Et on a eu le numéro des femmes qu'elles ont dénoncé une agression sexiste. Et on veut faire un peu l'interpellation avec ce numéro, non, mais aussi avec le message qu'on n'est pas des numéros seulement, on est des femmes et des noms derrière ça, non. C'est pour ça qu'on veut réunir 157 femmes. Bon, Mylène, ben, merci beaucoup. Bonne chance et bon courage dans ce travail si intéressant que vous êtes en train de mener à bout. Et à une prochaine fois, peut-être. D'accord, merci. Le fait de participer dans la construction de la ville, de débattre et de pouvoir prendre des décisions qui vont nous affecter est un atout dans le procès d'émancipation des femmes. Mais non seulement des femmes, puisque c'est la ville, la police, qui est à la base de la démocratie. Et c'est aussi dans la création de la ville, dans l'aménagement du territoire que nous habitons, que nous pouvons chercher des instruments pour reconstruire une démocratie réelle. Avec cet autre extrait de la déclaration d'objectifs pour la réalisation du plan des points noirs de Bilrune Feminista, qui nous encourage à construire une nouvelle démocratie à travers la participation des femmes, nous concluons cette émission. Les chansons qui nous ont accompagnés ont été Iri Ero de Sura et El Relámpago de Lila Downs. L'émission a été réalisée par Mikel Valero.